ferai ce que je sais après ce qu'on m'a dit. J'aurais dû me fâcher, te rayer de ma vie. J'aurais dû m'en aller, j'aurais dû te laisser, j'aurais dû t'oublier, t'oublier. Ce que je sais, ce qu'on m'a dit de toi. J'aurais dû t'obliger à partir de chez moi. J'aurais dû te chasser, te maudire à jamais. J'aurais dû te quitter, te quitter. Reste devant moi, tu ne veux pas parler. Je t'en prie, défends-toi, dis-moi la vérité. Dis-moi qu'il se trompait, dis-moi qu'il me mentait, dis-moi que rien n'est vrai, rien n'est vrai.